quatrième et dernier temps de notre série d'émissions consacrée au patrimoine et à son histoire. Aujourd'hui, le documentaire. Depuis lundi, nous avons évoqué la question du patrimoine cinématographique, la façon dont les Japonais et les Européens ont tenté de récupérer le patrimoine culturel de la Grèce et de la Rome antique. Et puis hier, nous nous sommes posé une question très simple. Comment restaurer et pourquoi restaurer les œuvres d'art, mais également les espaces naturels? Aujourd'hui, le documentaire, signé Anaïs Quien et Anne Fleury, nous emmène à Dunkerque, là où se tient la triennale d'art contemporain Gigantisme, dans un espace qui est l'espace gigantesque, justement d'un port industriel comme celui de Dunkerque, détruit en grande partie pendant la Seconde Guerre mondiale, reconstruit avec les matériaux modernes du XXe siècle. Et c'est dans ce cadre que se tient justement cette grande exposition Gigantisme. Que fait-on d'un patrimoine industriel comme celui-ci aujourd'hui au début du XXIe siècle? C'est une des questions qui sera posée dans ce documentaire avec les témoignages et les analyses de Sophie Varlob, de Géraldine Gourbe, de Keren Deton et de Pierre Guglielmina jusqu'à 10h dans la Fabrique de l'Histoire ce matin. Quand les hommes mettent leur volonté dans la balance, rien ne leur est impossible. Et aujourd'hui, Dunkerque, troisième port français, premier port minéralier, est devenu, avec le complexe sidérurgique le plus puissant de ce pays, le poumon du nord de la France. Et ce que l'on serait tenté d'appeler un miracle n'est, comme souvent, que le fruit de l'énergie, de l'intelligence, de l'obstination. Jusqu'en 1953, les Dunkerquois reconstruisirent leur port. En 1954, ils refirent la ville. Cela réalisé, il fallait assurer le développement de Dunkerque qui ne devait pas rester un petit port de pêche. Et il y eut la conjonction. Il fallait à la France, dont les minerais de fer s'épuisent, un port minéralier pour recevoir les produits de Suède, d'Amérique du Sud, de Mauritanie, et situé dans une zone riche en industrie utilisatrice du produit transformé sur place, c'est-à-dire de l'acier. Dunkerque convenait parfaitement. Mais il y avait une difficulté. Le sol de Dunkerque, c'est 30 mètres de sable reposant sur l'argile des Flandres, truffée de lentilles de base. Bâtir des hauts fourneaux, des portiques, des trains de laminage, poser sur ce sable mouvant 70 000 tonnes de charpente et 300 000 mètres cubes de béton paraissait une gageure. Pour les ingénieurs, ce n'était qu'un problème, avec, comme tous les problèmes, des solutions. Un tassement du sol par des dunes artificielles, des vérins géants en compensant les mouvements, de l'herbe le fixant, furent ces solutions. Gigantisme, Dunkerque, une balade sonore d'Anaïs Quien, réalisée par Anne Fleury. Car fonctionnent désormais des hauts fourneaux dans lesquels tiendraient les tours de Notre-Dame. Un train de laminage pour tôle forte et un train de laminage pour tôle moyenne qui est le plus puissant du monde. Dès 1964, la production d'acier de cet ensemble sera de 1 500 000 tonnes, ultérieurement de 5 à 6 millions de tonnes. Bientôt, la production de fonte du complexe égalera celle de la Sarre. Mais pour ce faire, il a fallu édifier une centrale électrique, une centrale de production d'oxygène pour l'acierie, construire un réservoir d'eau industriel dont Dunkerque manque en été. Mais aujourd'hui, la bataille est gagnée. Dunkerque aura connu ce destin extraordinaire d'avoir été la première ville martyre de cette guerre et, par l'étendue même de son désastre, d'avoir su devenir la première ville industrielle française à l'échelle de l'Europe. Pour Dunkerque, le sable et les dunes sont entrés dans le passé. Dunkerque est une ville conquérante. Bombardée par les forces allemandes, puis par les alliés au cours de la Seconde Guerre mondiale, la ville est détruite à 70% en 1945. On reconstruit le centre-ville et le port, selon les critères de progrès du moment. Et la confiance qu'inspire le progrès dans cette période d'après-guerre, c'est toute une religion. À Dunkerque, on trouve donc les éléments caractéristiques de la modernité industrielle de l'après-guerre. Le charbon, l'acier, le béton, le pétrole, auquel s'ajoute la construction navale à travers les chantiers de France qui fermeront à la fin des années 80. Le village de pêcheurs est devenu un fleuron national de l'industrie et un passage obligatoire du trafic maritime en mer du Nord. La ville concentre donc aussi de nombreux capitaines d'industrie et c'est l'un d'entre eux, Gilbert Delaine, qui, à partir des années 70, va tenter d'allier art et industrie au profit de la culture populaire. En 2019, la Triennale d'art contemporain Gigantisme ouvre ses portes. Artistes, musées et industriels s'associent pour couvrir le territoire de la ville d'œuvres d'art qui s'inspirent des grandes ambitions et de la démesure des géants de carnaval et des cathédrales d'acier qui ponctuent le paysage. Après les crises pétrolifères, après la fermeture des chantiers navals, après la prise de conscience écologique, comment assumer une telle identité industrielle ? Balade sonore sur quelques sites de Gigantisme à Dunkerque. Alors pour cette première étape de notre balade aujourd'hui, Sophie Warlop, vous êtes directrice des musées de Dunkerque. Oui, c'est bien ça. Et vous allez être une de nos guides. Oui. Dans cette promenade sur le territoire de Dunkerque, à la rencontre à la fois de son patrimoine, de son histoire, mais aussi de ce très grand événement. Donc vous êtes co-commissaire, Gigantisme. C'est le titre de cet événement, qui propose un voyage à la fois dans la création très contemporaine, mais aussi dans ce patrimoine et dans sa réinvention. Oui, c'est exactement ça. L'idée première en fait de Gigantisme, c'était de parler de la modernité, de cette histoire de la modernité, et surtout du rapport que les artistes ont pu avoir avec l'industrie. Et il y a une forme de légitimité à Dunkerque de ce sujet pour différentes raisons. D'abord, c'est un territoire qui est extrêmement industrialisé et depuis l'après-guerre, et le Chez est un premier témoignage. Et le Chez devant lequel nous nous trouvons. Devant lequel nous nous trouvons, dont je raconterai l'histoire. Et il y a également l'histoire du lac, qui est une histoire complètement singulière. Alors le lac, c'est le lieu d'art et d'action contemporaine. Ce lieu, il a été inventé par un homme, Gilbert Delaine, qui était ingénieur à la DDE, qui donc lui a œuvré sur l'aménagement du territoire, dont la spécialité c'était l'assèchement des polders et donc ces éléments-là qui sont fondamentaux, notamment pour le développement des sites industriels. Et cet homme, ingénieur, s'est pris de passion dans les années 70 pour l'art contemporain et il considérait que une ville qui était au top de la modernité ne pouvait pas ne pas avoir d'art contemporain. Et ça, pour lui, c'était un élément absolument fondamental. Et donc, lui, il a fait venir des artistes. Il a montré ce territoire dont il était incroyablement fier. Et il a fait venir des artistes, Armand, César, Clazen, etc. On a, du coup, le lieu d'art et d'action contemporaine qui a été créé complètement par l'association L'Art Contemporain, sur la base également du mécénat industriel. Et ça aussi, c'était une originalité dans les années 70, parce que ça existait pas vraiment à l'époque, le mécénat culturel. Et donc, toute la collection a été créée par le soutien des entreprises, par l'action de l'association L'Art Contemporain, et surtout par Gilbert Delaine qui a fédéré tout ça. Et aujourd'hui, la ville de Dunkerque donc, a ce lieu, grâce à cette histoire qui est donc un lien complet et permanent qu'il y a eu entre les artistes et l'industrie. Alors on va commencer cette balade dans ce chai, un chai à vin, qui nous raconte le tout début de cette histoire, puisque nous sommes dans l'immédiate après-guerre, après la Seconde Guerre mondiale, Sophie Warlop. Oui, c'est bien ça. Donc en fait, en 1945, tout est rasé, il n'y a plus rien qui fonctionne, le port ne fonctionne plus, les industries ont été mises à plat, la ville également a été rasée à plus de 90%. Donc Dunkerque a fait partie des villes très gravement meurtries par la Deuxième Guerre mondiale. Et le Chez, donc lui, il a été construit à partir de 1947. Donc il a fonctionné dans l'immédiate après-guerre. Il se trouve que donc des chais à vin de cette nature-là, il n'y en a que deux en France. Il y en a un autre qui est à Rouen. Celui-ci n'a plus d'usage, il est désaffecté aujourd'hui. Mais c'est une trace formidable d'une industrie, du commerce également, tel qu'il était pensé dans l'après-guerre, puisque le Chez était surtout un bâtiment d'importation des vins d'Algérie. Donc c'est une histoire coloniale aussi. C'est une histoire aussi coloniale. C'est la fin de l'histoire coloniale. C'est vraiment un symbole. Et donc c'est pour ça qu'il a fonctionné jusqu'à peu près les années 60, puisqu'en fait, il était vraiment lié à cette production-là. C'est un bâtiment qui a vraiment un aspect complètement moderniste à l'extérieur. C'est du béton, c'est des volumes très simples. Et donc c'est également quelque chose de très fonctionnel, parce qu'à l'origine, il était pensé pour être agrandi, mais il a pas pu se développer à cause de cette histoire, en fait, à la fin de des colonies. Et quand on va à l'intérieur, on découvre notamment toutes les cuves, parce que il est dans son jus, si on peut dire, et c'est absolument somptueux, c'est très rare. Même les Dunkerquois aujourd'hui gagneraient à le redécouvrir. Vous allez nous montrer ça, donc. Bah oui, évidemment. Allons-y. Par un conteneur aujourd'hui qui sert de sas. C'est le hall d'entrée du chai à vin. Aujourd'hui, c'est le hall d'entrée du chai à vin, donc qui pour l'instant n'a pas d'usage, mais la décision a été prise de le conserver et donc d'en refaire un lieu à vocation culturelle dans un avenir, on espère proche, parce qu'effectivement, quand on arrive dans ce lieu, on est complètement saisi. D'une part par sa monumentalité et par le fait qu'il est extrêmement bien préservé. C'est un lieu qui est impressionnant. Alors là, ça ressemble à une piscine. On a une cuve très peu profonde au milieu et on a ces coursives sur les côtés avec ces escaliers qui rappellent les premières piscines de l'entre-deux-guerres quand même. Oui, et c'est complètement fonctionnel, puisqu'en fait les différents niveaux permettent d'accéder à des regards, et dans les regards, ce sont les cuves. Et il y a 132 cuves, et donc le chai est sur le môle, donc c'est-à-dire en proximité, il est dans le port, et donc ce sont les pinardiers qui arrivaient, qu'on reliait aux cuves de transit. On déchargeait les bateaux par des pipelines, en fait, et donc après ça passait dans des cuves de stockage. Et puis il y avait également un système de redistribution du vin, soit sur des péniches qui venaient elles-mêmes à quai, et donc qui permettaient d'être rechargées, ou soit dans des bateaux citernes, parce qu'on a une pompe qui ressemble à une pompe à essence, sauf qu'on y mettait du vin. Donc voilà. Là, on n'est pas vraiment dans l'élaboration artisanale du vin, on est vraiment dans On était vraiment dans une production industrielle, et c'était du vin de table, donc du vin qui n'était pas fait pour maturer, etc. C'était du vin de consommation courante. On peut aller voir un peu plus loin. On peut aller un peu plus loin, on peut même monter si vous voulez. Et donc, quand on regarde par les hublots, enfin, ce qui étaient les hublots, on a en fait une surface avec du verre, en fait. Donc, c'était vraiment des grandes qualités, en fait. Ah oui, il y a un écho terrible. C'est du carrelage de verre. C'est du carrelage de verre, voilà. Carrelage de verre. Ce qu'on a voulu aussi avec les artistes qui ont produit des œuvres ici, c'est de systématiquement les emmener sur les paysages, comme les paysages qu'on verra tout à l'heure. Et c'est ce que Gilbert Delaine appelait des événements paysagers, en fait. Pour lui, les grandes entreprises qui étaient dans le territoire, l'activité portuaire, c'était un événement. Et quand le lac a ouvert en 82, il y avait les grues des chantiers qui étaient juste à l'arrière et qui, pour lui, étaient un peu comme des sculptures, on va dire. Ça évoquait Calder et les mobiles, etc. Donc quelque chose qui était éminemment esthétique. Donc le lieu d'art contemporain, ce lac dont vous parlez, Sophie Warlop, a ouvert avant même la fermeture des chantiers de France, cet énorme chantier naval français, oui, qui a été un des fleurons de l'industrie française pendant très longtemps. Exactement. Et qui a cessé de fonctionner en 1987, je crois. Et c'est vrai que quand on monte sur les buttes du jardin des sculptures, eh ben, à l'époque, en 82, on voyait aux heures d'arrivée ou de départ des milliers d'ouvriers. Et en fait, moi, quand j'étais petite, je me souviens de ça. Parce que c'est impressionnant, les sorties d'usine avec les vélos, les voitures, c'est quelque chose qui était marquant. Gilbert Delaine, Le pays d'ici, 1987. à vivre dans une ville où on emploie les techniques de pointe les plus avancées. Ici à Dunkerque. Ici à Dunkerque, oui, que ce soit au niveau construction navale, sidérurgie, pétrochimie, énergie nucléaire. À vivre au milieu de tout ça et puis avoir l'art qui s'arrête au XVIIe siècle. Voir d'un seul coup des bateaux à voile dans un musée et que ça s'arrête là, si vous voulez, pour moi c'était insupportable. L'art et l'industrie sont intimement mêlés et il y avait un décalage trop fort que moi je ne pouvais pas supporter. Hein? Et donc ce que je voulais, c'est que, si vous voulez, l'industrie soit en harmonie avec notre vie, hein? Avec l'art. Hein? Là, le décalage était vraiment trop important. On passait du XVIIe siècle au XXe siècle. Là, on s'approche de l'eau. On s'approche de l'eau et donc le môle 1, c'est le premier donc qui est entre les bassins historiques. Il y a une série de môles qui sont donc du 19e siècle. Donc ici, on a vraiment, enfin ces dernières décennies, un rattrapage de la ville qui reprend ses droits sur la partie portuaire. Et donc avec des usages qui se transforment, puisque du coup on a des lieux culturels qui s'implantent, comme la Halle au Sucre, qui est donc pareil, un ancien entrepôt. Et qu'est-ce que c'est un môle au départ, Sophie Warlop? Mais un môle, en fait, c'est donc une avancée sur l'eau qui permet de finalement démultiplier les zones d'amarrage. Et donc un port, c'est un peu comme un peigne, en fait, avec des tas de dents, et chaque dent est un môle. Donc là, nous nous trouvons devant la première œuvre, à proprement parler, du programme de gigantisme. Oui, Sophie Warlop, c'est une accumulation de containers Marfret. Oui, alors effectivement, donc Marfret, c'est une entreprise qui est implantée à Dunkerque, donc qui fait du fret maritime, qui est plutôt spécialisé dans les Outre-mer. Et donc cette entreprise, ainsi que d'autres, hein, puisque donc il y a eu 7 entreprises en tout qui travaillent à l'élaboration de cette œuvre avec les artistes. C'est Marfret qui a donné les conteneurs, d'où la marque qui apparaît encore, puisque ce sont des conteneurs d'usage, donc ils ont fonctionné, ils ont une vie, c'était très important. Et puis ces conteneurs ont été donc transformés pour à terme devenir une fontaine. On est juste sur l'angle du môle et donc il y a 2 conteneurs qui vont déverser l'eau dans les bassins. Et qui sont les artistes ? Alors, Nathalie Brevet et Hugues Rochette. Et donc là, ils sont en train de travailler sur le chantier, les réseaux électriques et les réseaux d'eau sont en cours de fabrication. Et c'est pour ça qu'il faut beaucoup de métiers pour accompagner les artistes dans la réalisation. Je vais vous présenter Nathalie. Donc voilà, Nathalie Brevet et Hugues, je ne sais où. Et qu'est-ce que vous faites ? Ben, on est en train de préparer l'installation, donc qui s'articule autour de 6 conteneurs, qui sont un petit peu comme dans l'idée, c'est des conteneurs qui ont été repêchés les uns après les autres et posés sur le quai. Et comme ils viennent d'être repêchés, il y a l'eau qui dégouline un petit peu à l'intérieur des conteneurs et à l'extérieur des conteneurs. Donc c'est ce qui se passera. Et donc du coup, il y aura un jeu de cascade. C'est autant de la circulation de l'eau que le regard du visiteur, que la présence sur le site et le rapport à l'échelle du paysage. On peut aller jeter un œil ? Bien sûr. Ben, on commence par la fin, en fait. Donc, c'est le conteneur qui sera ouvert et par lequel arrivera l'eau, qui sera puisée de la mer jusqu'au 6e conteneur et qui circulera à l'intérieur des autres conteneurs pour arriver ici et qui tombera en cascade par cet endroit-là. Donc, on a tout traversé. Je vous ramène sur la verticalité et le ciel évoqué tout à l'heure. Puisqu'en fait, on a l'ensemble des étages qui sont rejoints les uns après les autres. Donc sur la dernière trémie, l'eau arrivera et tombera juste à cet endroit-là. Donc il y a une passerelle en caillebotis qui permettra d'aller près du rideau d'eau. Et donc du coup, un cadrage qui sera un petit peu brouillé par la chute d'eau. Et il y aura un petit regard qui sera quand même possible ici, juste pour avoir dans l'angle de vue le frac qu'on aperçoit au loin. Donc il y a un petit clin d'œil. Sur la berge d'en face. Exactement. Donc ce qui nous intéressait aussi dans cette installation, en dehors du rapport au paysage, du regard, de la circulation de l'eau, c'est que c'est comme un organisme qui vit. Il y a toute la dimension sonore, question de résonance qui va avoir lieu, et qui est un petit peu le côté non visible de cette installation, mais qui se ressent vraiment par rapport à Louis, et donc qui sera une donnée supplémentaire par rapport au paysage. Donc c'est vraiment cette donnée sensible. Pierre Guglielmina, vous venez de nous rejoindre. Oui, bonjour. Dites-nous pourquoi vous connaissez aussi bien ce terrain, ce territoire portuaire. Alors donc je fais partie en fait de l'association du lac et je suis un ancien industriel dunkerquois. Toute ma carrière a été faite dans la sidérurgie et dans la fabrication du nickel en Calédonie. Et puis maintenant, étant retraité, j'ai un certain nombre d'activités sur le Dunkerquois vis-à-vis de tous les sites qui sont Céveso. Il y en a 16, seuil haut. Donc je suis président du comité de suivi. Et puis comme je m'intéresse à l'industrie et à l'art, il était normal que je rejoigne l'aventure de gigantisme. Qu'est-ce qu'un site Céveso ? Alors, un site Céveso, c'est un site qui présente un certain nombre de dangers qui peuvent être de type explosion, de type pollution de l'air, de l'eau, etc. Et qui est donc encadré par toute une réglementation et qui a un suivi par les services de l'État. Et la particularité de Dunkerque et de sa communauté, c'est qu'il y a énormément de sites industriels, les uns à côté des autres, et il y a ce qu'on appelle l'effet domino qui est possible. Donc s'il se passe quelque chose sur une industrie, il peut y avoir des conséquences sur une autre. De l'intérêt d'avoir un contrôle particulièrement important et avec une bonne connaissance des interactions. Donc là, on va prendre la route qui va... vers Arcelor. Donc là, on rencontre aussi Pierre Guglielmina, l'histoire d'une entreprise dont on a beaucoup entendu parler ces dernières années, Arcelor, puis ArcelorMittal, oui. Que vous connaissez bien. Tout à fait. J'ai travaillé donc dans la sidérurgie pendant 36 ans et au fil des fusions, j'ai terminé donc bras droit technique de M. Mittal dans l'organisation ArcelorMittal. À ce titre-là, donc, je connais bien toutes les installations sidérurgiques. Au niveau de Dunkerque, je la connais peut-être encore mieux, puisque pendant 8 ans, j'en ai été le patron. Donc là, on a quitté le môle 1. Donc on quitte le môle 1 et on va donc longer tous les différents quais qui constituaient ce port, hein, qui est très important. Et il faut savoir qu'il y a deux ports à Dunkerque, le port est, où nous sommes actuellement, et le port ouest, qui est un port en eau profonde, donc qui n'est pas couvert par les écluses, et où il y a eu énormément de développement, dont par exemple le terminal méthanier, qui est la petite industrie, la dernière née au niveau du Dunkerquois, puisqu'elle a démarré en 2017, à gauche. Ce qui est intéressant de voir à travers toute cette petite balade que l'on va faire, c'est qu'on sent que l'industrie fait partie de Dunkerque. Et même si on a tous à regretter des disparitions, on a parlé tout à l'heure de la fin des chantiers navals, il y a eu systématiquement de nouvelles implantations qui font que l'ensemble du Dunkerquois est maintenant très bien gréé du point de vue de l'industrie. À notre gauche, là, un certain nombre de terrils qui datent de très longtemps. Et donc, sur votre droite, toute la partie sidérurgique, avec quatre cheminées rouges que vous distinguez, qui sont en fait les cheminées de la centrale, qui permet de récupérer tous les gaz sidérurgiques que produit le site, à la coquerie, au fourneau, au niveau de l'acierie, et donc les transformer en électricité. Ce qui fait que ce site est autonome en électricité. Sur la droite, on aperçoit des petits bâtiments rouges, qui sont en fait des moulins qui permettent de moudre le laitier de haut fourneau, et donc avec des partenariats avec des cimentiers à gauche, donc d'en faire des produits pour utilisation, donc ciment. Là, je crois qu'il faut montrer le passe. Donc là, on arrive sur un site sécurisé. Hein. Bonjour. Pour un tournage radiophonique. Et on sortira de l'autre côté. Hein. y a deux voitures. Donc là, nous rentrons dans la zone portuaire, qui est donc protégée avec des badges d'accès. Et sur votre gauche, donc, on a une première vue sur l'usine d'ArcelorMittal Dunkerque. Avec sur le côté gauche une tour, là on a l'impression que c'est une tour carrée. En fait, c'est le haut fourneau numéro 4, celui qui a été démarré en 1975 et qui a une production journalière de l'ordre de 10 000 tonnes par jour, pour vous donner des ordres de grandeur. Ce site d'ArcelorMittal Dunkerque, qui est un des plus grands qui existent au monde, on suit la route, hein, toujours tout droit maintenant. Et il faut savoir que ce site a petit à petit évolué pour maintenant avoir une capacité de production de 7 millions de tonnes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en termes de flux de matière? Alors, en flux de matière, c'est intéressant de voir qu'on a le quai sur la droite, puisque dans un haut fourneau, on charge, pour faire simple, du minerai de fer. Et le combustible, c'est du charbon, amené soit sous forme de coque, soit en injectant du charbon. Et quand on dit que l'on va produire 7 millions de tonnes d'acier, pour faire quelque chose de simple, il faut amener 14 millions de tonnes par mer. Donc, sur votre gauche, vous voyez trois tours qui dépassent. Ce sont les trois hauts fourneaux qui composent le paysage primaire de cette usine d'ArcelorMittal Dunkerque. Et là, on va passer sous un... Alors, on passe sous un convoyeur. Donc, en fait, ce sont des bandes transporteuses. C'est donc du caoutchouc armé qui est couvert pour éviter qu'il y ait des envols de poussière et qui permet donc d'amener la matière depuis le port à son lieu de stockage. Du point de vue implantation, pour voir le lien avec Gigantisme, déjà 7 millions de tonnes, pour ceux qui connaissent un petit peu le monde de l'acier, ça va chanter pour eux. Mais pour ceux qui ne connaissent pas le monde de l'acier, on va dire que c'est une usine qui s'étend sur une superficie, c'est à peu près la forme d'une banane, de 6 km de long sur 1 km de large. Donc c'est quelque chose de gigantesque. Donc là, on arrive sur le port autonome de Dunkerque. Donc là, on voit par exemple des silos. On a une activité donc au niveau céréales qui est importante sur le port de Dunkerque. Vous allez voir aussi sur la droite des exportations donc de sable. Vous allez voir des stocks de ferraille, donc un commerce de ferraille avec des bateaux qui sont beaucoup plus petits. Donc toutes les activités, je dirais, d'un port sont représentées ici. Et vous voyez que la place est largement utilisé et optimisé. Soir 3, 19 juillet 1985. À Dunkerque, les employés du chantier naval ont fêté un peu tristement aujourd'hui la mise à l'eau du dernier bateau qu'ils ont construit. Il n'a pas de nom parce qu'il n'a pas encore trouvé d'acquéreur. Cela résume tout le problème de cette branche industrielle où les commandes se font rares et où la concurrence est sévère avec la Corée, par exemple. D'où l'inquiétude de Dunkerque, qui en outre a appris au début de cette semaine la suppression prochaine de 700 emplois dans ses chantiers. Le reportage de FR3 Lille. C'est à la mise à l'eau d'un bateau fantôme de 24 000 tonnes, d'un navire sans nom, que le personnel et la population dunkerquoise ont assisté. Un transporteur de produits chimiques que le Maroc devrait acheter pour sa flotte, mais rien n'est encore définitivement signé. Pour ce lancement du 323e navire, plus d'un millier de personnes se sont déplacées pour assister à l'événement, mais aussi pour apporter son soutien à Normed Dunkerque. Donc qu'est-ce qui a disparu ? Alors, la grosse disparition qui a marqué, évidemment, c'est les chantiers navals. Et c'était une activité importante qui a duré un peu plus de 80 ans, hein, qui a permis de construire 288 bateaux. C'était aussi bien des paquebots, des métaniers, des super métaniers, donc des très beaux bateaux. Donc là, il y a eu, bien évidemment, un trou d'activité, un trou d'air très important. On voit une tour enflammée qui crache du feu, Pierre Guglielmi. Alors, ça, c'est une torchère qui brûle un certain nombre de gaz résiduels. Alors, un projet comme Gigantisme. Oui. Quelle est l'approche, l'engagement, l'apport que vous pouvez représenter. Ce que nous souhaitons en plus en tant que monde industriel à travers cette exposition et à travers cette volonté de s'afficher, c'est de relier le besoin, je dirais, d'image de l'industrie avec l'ensemble de la population. À un certain moment, il y a eu beaucoup d'attaques à cause de la pollution, à cause de la sécurité, à cause de problèmes médicaux. Tout à fait. Et tous ces sujets ont été largement traités, continuent d'être traités avec la volonté énorme de progresser en continu. Et donc, aujourd'hui, l'image est bien meilleure. Et ce que l'on veut, c'est conforter cette image parce qu'on a besoin de montrer à notre jeunesse de la communauté urbaine qu'elle peut se former, quelle que soit sa volonté en termes de niveau, et derrière avoir des débouchés dans l'industrie et participer donc à l'épopée dunkerquoise. Donc là, on revient sur la partie du port Est, qui est donc tout proche de la ville. Et on va se retrouver bientôt sur l'ancienne zone de construction navale, où il y a donc le frac, le lac, et la halle à P2 qui a été conservée. Keren Dothon, bonjour. Bonjour. Donc on vous a rejoint dans notre... troisième étape de cette balade sur tous les sites qui sont constituants de ce grand événement, de cette triennale Gigantisme. Vous êtes directrice du FRAC, du Fonds Régional d'Art Contemporain, et vous êtes co-commissaire aussi de Gigantisme Dunkerque. Et ensemble, nous allons faire un parcours. Quel va être ce parcours? Parce que c'est un parcours justement qui lie à la fois deux institutions organisatrices de cet événement, mais c'est aussi un parcours qui va nous mener à travers à la fois l'art contemporain et le patrimoine de ce territoire dunkerquois. Tout à fait. On part ici là, du musée du lac, qui dispose tout autour de lui d'un jardin de sculptures. L'histoire de ce musée est très liée à l'industrie locale, puisque ce sont des industriels qui ont rencontré des artistes et commandé des œuvres qui sont ici placées tout autour de ce parc. Et ça commence quand, cet intérêt des industriels pour leur art contemporain, parce qu'aujourd'hui c'est un tout petit peu moins contemporain? C'est à la fin des années 70. C'est Gilbert Delaine, le fondateur du LAC, qui a su fédérer autour de lui un certain nombre d'industriels et à partir de là constituer une collection qui a ensuite été donnée à la ville. Et puis c'était également quelqu'un qui avait une vision plus large d'avoir de l'art qui sorte du musée, qui puisse aussi être présent, accessible dans l'espace public, avec des projets parfois de très grande envergure, qui utilisait aussi certains matériaux et ressources du territoire. Donc du béton, de l'acier. Du béton, de l'acier, effectivement. Dans des emplacements aussi parfois assez éloignés, tout au long de la rocade autour de Dunkerque, l'idée étant d'avoir des signaux forts qui invitent donc ensuite, à travers un parcours comme ça d'œuvres dans l'espace public, à découvrir l'art. Alors là, on va traverser ce jardin justement jusqu'au Fonds Régional d'Art Contemporain, donc jusque chez vous. Ouais, on va passer par là, on va déambuler. En fait, le quartier du Grand Large, où a été construit le musée du lac et où a été implanté le Fonds Régional d'Art Contemporain, c'était l'ancien quartier des chantiers navals, des chantiers de France. Et donc, tout au long du XXe siècle jusqu'en 1987, date de la fermeture des chantiers navals, c'était ici des paysages emplis de grues, de très grands bateaux et de cargos qui traversaient tous les océans. Qu'on ne voit plus du tout aujourd'hui. Qu'on ne voit plus du tout aujourd'hui, qui était présent encore au moment de la construction du lac. Et donc, si vous voyez ces formes comme ça, très angulaires dans l'architecture de ce bâtiment, qu'on voit un peu plus loin, si vous voyez tout à l'heure la passerelle qui mène de la plage de Malo-les-Bains jusqu'à l'intérieur même du frac. Ce sont des formes de triangles comme ça qui rappellent ces bras articulés des grues portuaires. Alors là, on croise une première œuvre, tout à fait évidente. Oui. Il s'agit d'un champ de coquelicots en béton. Oui, tout à fait. Il s'agit de Steve Abraham et Nicolas Messager. Ce sont deux artistes originaires de Dunkerque qui viennent de réaliser cette installation inaugurée là spécialement à l'occasion de Gigantisme et qui est donc la toute dernière sculpture qui vient d'intégrer la collection du lac. Les coquelicots sont un rappel aussi de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, puisque Dunkerque a été très touché avec l'opération Dynamo, avec ces opérations de sauvetage dans les années 40. Et donc beaucoup de soldats britanniques sont décédés ici et les coquelicots sont un hommage. Donc là, on continue notre petite déambulation. Et juste à côté, on voit une énorme balise encerclée de cordages. Il s'agit d'une nouvelle production, d'une œuvre qui a été réalisée par l'artiste turc Era Buyuktasian. Une des sources d'inspiration de l'artiste, ça a été les premières tentatives de télécommunication entre la France et l'Angleterre. À travers la Manche, en fait, avec des câbles sous-marins. Ça aussi, c'est une nouvelle production spécialement pour Gigantisme et qui vient ponctuer le parcours entre le frac et le lac. Donc vous voyez ici cette énorme balise qui doit mesurer 2 mètres environ, qui, entourée de ses cordages, ressemble un peu à une sorte de toupie. Elle est posée là à l'intérieur du parc et puis de l'autre côté de la rue lui répond une autre balise et puis une autre un peu plus haut, posée dans la verdure, et on suivra comme ça cette ponctuation de balises jusqu'au frac. Ici, on est dans un lieu qui a plutôt eu tendance à faire table rase de ce passé, de cette mémoire. Le quartier du Grand Large est un nouveau quartier qui est en plein réaménagement. Vous voyez tout autour de nous là, des friches qui attendent d'être construites. En fait, le seul bâtiment qui reste et qui témoigne de cette histoire des chantiers navals, c'est la halle à P2 que l'on voit juste en face de nous, qui est donc un atelier de préfabrication et qui servait donc à assembler des énormes morceaux de navires entre eux. Alors on va entrer dans le frac. Oui. Le frac, fonds régional d'art contemporain, est situé en bord de mer entre le port industriel et le quartier balnéaire de Dunkerque, Malo-les-Bains. Ce musée a été conçu comme le bâtiment jumeau de l'AP2, ancien atelier de construction navale, surnommé la cathédrale, et relique de la grande époque des chantiers navals de la ville. Le bâtiment contemporain flanque la friche historique. Nous y retrouvons Géraldine Gourbe, troisième commissaire de la Triennale d'art contemporain, Gigantisme. La friche industrielle n'a pas été réhabilité par les architectes. C'est les seuls architectes qui ont proposé de ne pas réhabiliter cette friche, mais de la laisser en l'état. C'est-à-dire que c'est un bâtiment témoin qui ne sera pas modifié. Et ils ont construit la même architecture, c'est-à-dire la jumelle de cette cathédrale qui a pour fonction d'être un lieu d'art. Et donc la jonction entre ces deux lieux, sa friche et sa réhabilitation à côté, elle est séparée, elle est jointe par ce qu'on appelle une rue intérieure qui se prolonge par une passerelle qui va directement à la mer. Donc à ma connaissance, en France, c'est un des seuls lieux d'art dédiés à l'art qui donne sur la mer, qui donne sur la plage et sur un port industriel. On est dans une architecture qui est tout en longueur, fait 50 mètres de longueur. Elle est assez peu large, elle doit faire à peu près 15 mètres, espèce de grand rectangle. Et on a 30 mètres au-dessus de nos têtes, enfin un petit peu moins. Mais on est complètement sous une architecture métallique. Et en fait, il ne reste plus rien de cette halle, à part ses murs, son architecture, et ce pont roulant qu'on a juste en face de nous, un pont roulant jaune, qui est encore en activité. Donc la fonction de ce pont roulant, c'était de pouvoir acheminer des pièces extrêmement lourdes d'un bout à l'autre de la cathédrale industrielle, de la A à la P2, qui avait pour fonction donc de construire, d'assembler des bateaux, puisque nous sommes sur l'endroit du chantier naval de France. Et ce qui est assez génial, c'est qu'il est encore activable et qu'on peut le faire passer. Alors il fait un bruit assez, qui nous met tous au garde à vous. Et Delphine Reist, qui est une artiste suisse, a eu cette idée, cette volonté de l'utiliser pour faire une production. Et donc, il va avoir un effet scanner, c'est-à-dire qu'il se déplace plutôt tout en hauteur. On a installé un pont lumineux tout en haut qui va éclairer comme ça cette charpente de la halle à P2 et lui donner à plusieurs moments de la journée une espèce d'activité, comme si la mémoire se remettait en branle, s'activait, et il y avait quelque chose de l'ordre de la fonction du bâtiment qui se réveillait comme ça à certains moments de la journée. Et on a voulu vraiment travailler la question des matériaux premiers, et comment, en fait, toute cette succession des matériaux de 1947 à 89 avait aussi structuré une histoire de l'économie, une histoire symbolique et une histoire politique. Et donc là, on est face à des arches en acier. On a juste en face de nous qui sont encore assemblées parce que l'artiste Bernard Venet va arriver à la fin du mois. Et il a fait cette pièce en métal, en acier, qui s'appelle « Effondrement ». Et c'était très important pour nous de commencer par cette relation entre acier-charbon, parce que aussi elle est au cœur de ce fondement d'une histoire européenne. C'est comme si le sol, tout ce qui était vraiment à la base des constructions, eh bien, allait permettre une espèce de construction d'élan de cette modernité. Et ensuite, effectivement, on passe... Alors, on a eu un moment de flottement avec les commissaires, parce que c'est toujours très tentant de faire ce qu'on appelle du land art, c'est-à-dire d'importer des formes qui existent déjà dans le paysage. Et donc, c'était très tentant pour nous d'importer des montagnes de charbon. Voilà, parce que c'est toujours très beau, c'est une espèce de forme primaire, comme ça, un triangle, une pyramide. Donc il y a quelque chose de très pur dans la forme. Et en fait, quand on est allé sur le port industriel de Dunkerque, on a vu des pyramides de minerais. Et on s'est dit que c'était déjà inscrit dans le paysage industriel de Dunkerque. Et que c'était vraiment ridicule de faire la même chose dans cette halle à P2. Donc ça, c'est très important pour nous en tant que commissaire. C'est comment des lieux mémoriels, qui ne sont pas des lieux de musée ou des lieux d'art, nous déplacent aussi sur le choix des œuvres. Donc le land art, il est déjà existant, on n'avait pas à le refaire dans cette halle. Donc il fallait vraiment des formes qui soient des formes sculpturales et pas des formes minimales qu'on trouve déjà dans la nature. Alors après, d'acier charbon, eh bien, effectivement, on se déplace vers la question du pétrole et comment, à un moment donné, une économie, une matière première en chasse une autre. Et l'avènement du pétrole, elle est extrêmement importante parce que c'est aussi la fabrication des polymères, du plastique. Et c'est ce qui va permettre pour nous, dans notre histoire, l'avènement du design et d'un design pour tous. Et là, on est face à une œuvre. Alors j'aimerais bien qu'on se mette sous l'œuvre. C'est une colonne d'aspiration. C'est du polyuréthane extrudé. C'est des plaques qu'on retrouve... de méga planches de plastique orange, un matériau extrêmement industriel, produit en série. Et elle le travaille, Anita Molinero, avec un chalumeau. Et donc ça donne la forme brûlée du plastique, hein, du polymère, donne tout un jeu de formes qu'elle appelle apocalyptique. Et là, on est sous une colonne à peu près de 20 mètres qui fait un énorme trou d'aspiration. Et chez Anita, il y a ce double jeu à la fois de fascination avec le plastique et la forme que peut prendre ces polyuréthanes extrudés. Donc c'est extrêmement important de voir comment une énergie en chasse une autre, avec toujours cette idée d'une amélioration, tant du point de vue de l'économie, de la rentabilité et de son impact écologique. Et ça, c'était vraiment au cœur de l'idéologie du nucléaire dès les années 70. Et on voit à quel point cette histoire, elle est encore au cœur des croyances par rapport au nucléaire, malgré Fukushima, etc. C'est quelque chose qui est encore très fort dans les esprits. Alors, ce qui nous intéresse aussi dans Gigantis, c'est de faire de l'histoire à travers des formes d'art. Enfin, on n'est pas dans un livre, on n'est pas dans un documentaire, on n'est pas une conférence, on traverse des formes, des sculptures, des peintures, des architectures, des installations. Et l'idée, c'est d'avoir un parcours d'histoire par la forme, par le phénomène, par la perception. Comme si, en fait, on pouvait aussi faire de l'histoire par les sens et par une traversée dans l'espace. Et ça, c'est extrêmement important pour moi, parce que j'étais longtemps enseignant-chercheur, et donc j'ai pratiqué différents formats de transmission. Et je trouve que travailler à travers quelque chose qui touche l'imaginaire aussi et la perception, c'est à mon avis tout aussi impactant que la question du documentaire ou de l'oralité comme forme de transmission. Et donc c'était important de travailler cette question de l'espace de la P2 avec cette activité ouvrière de construction de bateaux, tout en étant dans des formes qui portent chacune une histoire, une sous-histoire de cette carotte temporelle 47-89. Et pourquoi avoir choisi ces bornes chronologiques-là? Parce qu'on aurait pu commencer avant la Seconde Guerre mondiale, ouais. Peut-être même avant la Première Guerre mondiale. Bah 1947, moi ça m'intéresse parce que c'est une année qu'on appelle une année Janus, une année pivot, et elle correspond aussi à quelqu'un qui est très important pour nous, qui nous intéressons à l'histoire, à cette fabrique de l'histoire, c'est Henri Lefebvre. Henri Lefebvre, il écrit en 47, il fait paraître en 47 un ouvrage qui s'appelle « La critique du quotidien ». Et en fait, bien avant Roland Barthes, il fait rentrer dans le champ philosophique, dans le champ des sciences sociales, la question de la quotidienneté comme un objet de pensée. Comment la question du minuscule, de l'intimité, des interactions sociales, des gestes, devient un objet de réflexion, un objet à la fois de rationalisation, un objet mathématique, donc ça c'est pour une meilleure productivité, hein, sous l'influence évidemment du Fordisme, mais c'est aussi comment on va essayer de questionner qu'est-ce qui fait quotidien. Et donc c'est aussi la petite histoire qui rentre dans la grande histoire, en tout cas comment la petite histoire fabrique aussi la grande histoire. On va voir l'avènement des sciences sociales. Une autre pièce mémorielle qui est très importante, qu'elle nous arrive tout droit de New York, n'a jamais été montrée en France. Tatiana Trouvé, elle est française. Elle a fait cette pièce à Central Park. C'est une structure qui monte, elle est à 3 mètres. Il y a trois ensembles de structures métalliques noires avec des bobines en bois, hein, des bobines qu'on peut retrouver comme ça sur les ports, qui contiennent des fils, des cordes plutôt, on va dire, de couleurs différentes. Et chacune, elle comporte une plaque. Donc on va s'approcher de la plaque. Et on va voir, par exemple, une inscription P055 « From the gate of Old Sand to somewhere near to the Central Park Tennis Center, anti-nuclear march ». Donc ça relate l'histoire d'une manifestation anti-nucléaire à Central Park. Et en fait, chaque corde correspond à un chemin qu'elle a retracé dans Central Park. Donc vous pouvez partir, vous pouvez vous imaginer que vous allez tirer une corde et que vous allez partir avec votre corde dans un chemin de Central Park et rejouer la mémoire d'une protestation, d'une marche anti-nucléaire, contre la ségrégation, anti-guerre du Vietnam, etc., etc. Voilà, ça c'était pour la P2, et j'aimerais bien vous emmener au cinquième étage pour faire le lien avec ce paysage mental, ce qu'on appelle paysage mental, c'est-à-dire que on est dans cette halle et en même temps c'est relié à ce paysage de Dunkerque avec ses aciéries en activité, ses portes-conteneurs qui sont gigantesques, parce que c'est ça qui est incroyable, c'est que Pour beaucoup de gens, gigantisme, c'est un titre très provocateur, sauf à Dunkerque, parce que pour les Dunkerquois, gigantisme, c'est eux. C'est-à-dire, ils ont le plus grand portique qui décharge les conteneurs, de porte-conteneurs, avec Shanghai. Et quand on voit les bateaux qui partent en mer, on est sur des échelles très très grandes. 1987. Gilbert Delaine, ces grues, vous les aimez beaucoup. Je crois que vous voulez même récupérer celle de la Normed qui va fermer. Non, c'est pas celle de la Normed qui va fermer. Ce sont des grues qui étaient vouées à la casse des grues du port autonome. Et quand je l'ai appris, je me suis vite dépêché, je me suis empressé d'essayer d'annuler la vente pour une partie des grues. C'est-à-dire qu'on a essayé de sauver 9 grues de la casse pour en faire une très grande sculpture. Armand nous a fait un projet qui est vraiment extraordinaire, qui est très très beau. Il s'agit d'empiler 9 grues de 150 tonnes qui feront une sculpture de l'ordre de 80 mètres de haut. C'est vraiment quelque chose que de vous fou. Allez mettre où? Ben on a déjà des idées un petit peu, mais il faut que ça s'affine, hein, mais ça sera vraiment quelque chose de fou et de très beau. On monte au cinquième? On monte en cinquième, c'est parti. C'est un lieu de grande sociabilité ici, hein. C'est-à-dire que même si on a un port industriel avec des fumées, avec des rejets parfois assez toxiques, eh bien c'est un lieu qui est extrêmement habité. Il y a des pêcheurs, il y a des baigneurs, il y a des enfants qui jouent sur la plage, et il n'y a pas de séparation entre la vie quotidienne et la vie industrielle. En fait, à l'ouest, en ayant la mer du Nord en face de nous, à l'ouest de Dunkerque, on a ces gros complexes industriels. Ouais. Et à l'est, on a la partie plus balnéaire. Malo. On conserve d'ailleurs quelques traces encore quand même de ce patrimoine les années 30. D'avant-guerre. Et cette digue du Brec relie les deux. Tout à fait. Et nous, ce lieu d'art, il est au milieu. Il est posé au milieu comme un vaisseau. Et c'est comme s'il faisait cette transition entre cette vie quotidienne et ce port industriel. C'est pour ça que cette relation entre art et industrie, on la vit physiquement au regard de ce paysage. Gigantisme, Dunkerque. Merci à Sophie Warlop, Géraldine Gourbe, Keren Deton et Pierre Guglielmina. Merci également à Grégory Lang, quatrième commissaire de Gigantisme. Archives, INA. Prise de son, Loïc Duros et Dalia. Mixage, Manuel Couturier. Gigantisme Dunkerque, une balade sonore d'Anaïs Quien, réalisée par Anne Fleury. Voilà, vous pouvez réécouter cette série d'émissions consacrées au patrimoine et à son histoire sur le site de la Fabrique de l'Histoire, donc sur le site de franceculture.fr. Vous pouvez également discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire ou encore nous suivre sur le réseau Twitter à l'adresse Fabrique FC. Demain, nous serons en direct depuis Toulouse à l'occasion du très beau festival qui commence ces temps-ci, qui vient tout juste de commencer d'ailleurs, donc à Toulouse, le festival L'Histoire à venir, un festival où beaucoup d'historiennes et d'historiens vont se pressé pour pouvoir justement débattre d'un thème qui s'intitule « En commun ». À demain.